Chapitre 2. La promesse d'Herda. Tout alla bien ainsi pendant un certain temps, et tout autre que Herda n'eût éprouvé que du contentement à disposer de tant de richesses et à être traité avec tant d'honneur. Mais le cœur d'Herda était tout ce qu'il y a de plus sensible au monde. La jeune fille ne pouvait se résigner à oublier son toit de chaume au bord de la mer, son père le pêcheur, sa mère qui priait, ses frères et ses sœurs. Un jour donc, que l'ours blanc, pénétré de la mélancolie où il la voyait plonger, lui demandait pourquoi elle soupirait si fort, elle lui répondit « Quelque bonté que vous ayez pour moi, je trouve ma vie ici bien monotone et solitaire, et j'ai grande envie de revoir ma maison natale ainsi que mes parents, et c'est parce que je ne peux le faire que vous me voyez triste et affligé. » Encore que l'ours redoutât cette épreuve, il n'était pas barbare au point de refuser à une fille le bonheur de revoir ses parents. « Peut-être, répondit-il à Herda, y a-t-il un adoucissement à votre peine ? Seulement, avant de vous séparer de moi, et pour un temps si court qu'il puisse être, il vous faudra me faire une promesse. C'est, si vous voyez votre famille, de ne pas parler avec votre mère seule, et de ne le faire qu'en présence de vos frères et sœurs. Si votre mère vous prend par la main et essaye de vous entraîner à l'écart pour causer avec vous, cela seul, efforcez-vous de vous dégager et refusez de la suivre, sinon vous nous porterez malheur, à vous et à moi. » Herda promit ce que lui demandait son compagnon, et un beau dimanche, l'ours blanc arriva, lui disant qu'il allait l'amener voir son père et sa mère. Ils partirent donc, comme le souhaitait la jeune fille, cette dernière installée sur le dos de l'ours, et ils marchèrent à peu près autant de temps qu'ils en avaient mis, la première fois, à venir du village au château mystérieux. Après avoir franchi la région des neiges, ils arrivèrent devant une grande et belle habitation construite en bois de diverses couleurs, qui se trouvait élevée au milieu d'un fort beau paysage d'émeraude environné de bois et piqué de primbères et de myosotis. Là, Herda aperçut, à travers une barrière fleurie de chèvrefeuilles, ses frères et ses sœurs qui couraient et folâtraient et cueillaient des fleurs. Chacun d'eux était devenu grand et fort, et c'était une joie de les regarder. « C'est ici que votre père et votre mère vivent maintenant, » dit l'ours blanc. « Je vais vous laisser, mais n'oubliez pas la promesse que vous m'avez faite, autrement vous nous livrerez au plus grand des maux. »« Non, soyez tranquille, » dit Herda, « je n'oublierai pas ma promesse. » Après avoir prononcé ces mots, elle poussa la barrière, pénétra dans le jardin, et l'ours blanc disparut. Quand le père et la mère d'Herda aperçurent leur fille qui venait à eux, ils en éprouvèrent une joie extrême. Tout le monde embrassait Herda. Et c'était des questions et des questions que ne cessaient de lui poser les uns et les autres. Personne ne pouvait exprimer à la jeune fille assez de reconnaissance de ce qu'elle eût consenti pour assurer le bonheur des siens à épouser un ours. Herda elle-même semblait se consoler en voyant ses parents si heureux. Ils avaient tout ce qu'ils pouvaient souhaiter. Son père ne raccommodait plus les filets, en ayant toujours de neufs, et il ne se livrait plus à la pêche que pour son agrément. Sa mère ne lisait plus les heures que sur un beau bréviaire, peint de miniatures, et pour ses frères et sœurs, il disposait pour se divertir de toutes sortes de jeux imaginables. À une question de son père, qui s'inquiétait de lui trouver une certaine gravité, la jeune fille répondit que sa santé était bonne, et qu'il lui était agréable de vivre dans le château où l'ours l'avait conduite. « Tous mes désirs, dit-elle, sont comblés, mes moindres vœux satisfaits. » On ne sait ce qu'Herda ajouta encore, mais en tout cas, elle observa la discrétion la plus grande au sujet de la promesse qu'elle avait faite à l'ours. Personne, au milieu de tant de félicité, ne put se douter de quoi que ce fût d'extraordinaire. Cependant, dans l'après-midi, après le repas pris en famille, l'inexorable, tel qu'il est écrit par le doigt du destin au livre des sagas, s'accomplit de la manière que l'ours l'avait prévu. La mère d'Herda demanda à sa fille de venir causer un moment seule avec elle dans sa chambre. Mais la jeune fille, se rappelant la promesse faite, se déroba le mieux qu'elle put à cette curiosité. « Oh, dit-elle, ce que nous avons à nous faire savoir peut être différé. » Et sous un léger prétexte, elle réussit adroitement à s'éloigner de sa mère. Piquée au jeu, celle-ci n'eut de cesse qu'elle n'eût, à force de questions insidieuses, trouvé le moyen d'amener Herda à se confier à elle. La jeune fille lui expliqua donc comment, chaque nuit, après qu'elle s'était mise au lit, un homme inconnu arrivait, s'étendait à ses côtés dès que la lumière était éteinte et disparaissait bien avant que le jour commençât à poindre. Portée à la confiance par les caresses que sa mère lui prodiguait, Herda exprima enfin le chagrin dans lequel elle était de vivre ainsi dans le mystère et la solitude. « Ma chère enfant, » dit la mère, qui se souvenait des légendes qu'elle avait entendues raconter jadis dans son enfance, « c'est peut-être un troll qui vient la nuit s'étendre à tes côtés. Mais je veux te procurer le moyen de voir ses yeux. Tu prendras ce petit bout de chandelle que tu emporteras chez toi et que tu tiendras soigneusement caché. Tu l'allumeras dès que ton compagnon sera endormi. Mais prends bien garde à ne pas laisser tomber sur lui une goutte de suif. » Herda prit la chandelle, la dissimula sous sa robe et n'eut plus qu'une idée, aussitôt que l'ours blanc fut revenu pour la prendre. C'était, grâce à ce subterfuge, d'arriver à percer enfin le mystère qui lui causait tant de frayeur. Quand ils eurent cheminé un certain temps et que la neige eut aidé en tombant à recouvrir la trace des pas de l'ours, ce dernier tourna doucement la tête vers Herda et lui demanda si tout ne s'était pas passé ainsi qu'il l'avait prévu. « En effet, dit la jeune fille, je ne pourrais prétendre le contraire. « Eh bien, répondit l'ours, écoutez bien. S'il est vrai que vous ayez suivi le conseil de votre mère, vous avez fait notre malheur à tous les deux, et il ne pourra plus rien y avoir de commun entre nous. » Herda fut d'abord troublée de cette déclaration. « Non, dit-elle avec une assurance feinte, je n'ai pas suivi le conseil de ma mère. » Mais la curiosité était éveillée en elle avec tant de puissance qu'à peine fut-elle de retour au château et se fut-elle couchée, la lumière éteinte et l'inconnu placé auprès d'elle, qu'elle n'attendit plus que le moment favorable pour allumer sa chandelle. Le prétendu troll, s'étant endormi enfin, elle se leva avec précaution, fit luire la flamme et, sa chandelle allumée, en dirigea la clarté du côté de son compagnon.